بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا بكم جميعا يا إخوة والأخوات auditeurs et auditrices qui nous suivent sur la radio Bilal Al-Kini dans ce projet qui est une collaboration et une entraide entre mon humble personne et les frères de la ville de Montpellier, parmi les frères de Ahlus Sunnah du collectif Lil'ilm wa Rahma, pour le savoir et la miséricorde. Wa marhaban bikum jami'an. Donc, dans cette assise, nous allons aborder, Inch'Allah, la suite de l'explication du grand savant, le défunt, le Cheikh Ubayd ibn Abdillah ibn Suleyman ibn Ali al-Jabiri al-Hamdani, ibn Ali al-Jabiri, rahimahullah al-Hamdani. Donc nous sommes toujours dans la muqaddima du livre. Nous avons abordé le premier paragraphe concernant quatre points principaux, à savoir le fait qu'il fallait apprendre et que l'apprentissage du savoir, c'était le fait d'apprendre la connaissance, d'acquérir la connaissance d'Allah, de son messager et de sa religion, alayhi salatu wasalam, et de sa religion, le fait d'appliquer, le fait de transmettre et le fait de prêcher à cela. Le deuxième paragraphe était un paragraphe qui abordait trois points. Le premier était concernant le suivi et l'obéissance du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième étant concernant le fait d'adorer Allah exclusivement et de ne lui donner aucun associé. Et le troisième aspect était concernant un autre aspect, à savoir l'aspect concernant al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu. Bi-idhnillahi azza wa jal, nous allons aborder aujourd'hui un nouvel aspect, le troisième paragraphe de la muqaddimah, concernant Al-Hanifiyya. Ce terme-là est un terme qui désigne la religion d'Ibrahim, qui est un des prophètes et des messagers d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc l'auteur a dit, donc Qala al-Musannifu, rahimahullah, l'auteur a dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, اعلم أرشدك الله لطاعتي أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما لا يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا سورة النساء. Donc la parole du musannif, l'auteur rahimahullah, dans lequel il a dit: sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, que la Hanifiyya est la religion d'Ibrahim, et qui consiste à ce que tu adores Allah seul, sans lui donner un quelconque associé, lui vaut un culte exclusif. Et ceci fut ce qu'Allah a ordonné à l'ensemble des gens, et c'est pour cela qu'Allah les a créés. Il mentionna le verset de Surat Ad-Dhariyat, le verset 56, dont le sens en français est « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Et le sens de « pour qu'ils m'adorent », c'est-à-dire qu'ils m'adore exclusivement, qu'il m'unifie dans l'adoration, c'est-à-dire qu'il me voue un culte pur. Et il mentionna un point important, à savoir que la plus grande chose qu'Allah ait ordonnée, c'est le tawhid, et c'est le fait d'unifier Allah dans l'adoration, c'est-à-dire de lui vouer un culte exclusif, de n'adorer qu'Allah. Et le plus grand interdit qu'Allah ait établi, c'est le fait d'invoquer quelqu'un en dehors de lui. Et ça, c'est... Le plus grand interdit qu'Allah ait émis, c'est le polythéisme. Et c'est le fait d'invoquer autre que lui. Et ça, c'est ce qu'on appelle la définition par l'exemple. Ça veut dire que le shirk, ce n'est pas juste invoquer autre qu'Allah. C'est un exemple pour imager une catégorie de shirk. Non. Et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et adorer Allah et ne lui donner aucun associé. Taïb Sheikh, Ubayd al-Jabri explique ce passage en disant, concernant la parole du shirk, qu'Allah t'oriente vers son obéissance, il dit, « Ey hadak Allah, qu'Allah te guide. » Et ceci, c'est du fait qu'Allah te guide vers la voie qui est correcte. Et l'obéissance, c'est le fait que tu te conformes aux ordres d'Allah par le fait de les faire, et le fait de te conformer à ses interdits par le fait de t'en écarter, c'est-à-dire de ne pas désobéir à Allah. C'est ça l'obéissance. Ensuite, concernant la parole de l'auteur, et que concernant le fait que la Hanifiyya, ce serait la religion d'Ibrahim, il explique al-Hanifiyya, d'où vient ce terme, linguistiquement. Il dit « Nisbatan ila al-Hanif, min al-Hanaf, wa huwa al-Mail ». Donc c'est une affiliation au al-Hanif, qui vient du mot al-Hanaf, Et al-hanaf, c'est le al-mail. Al-mail, c'est le fait de pencher vers quelque chose. Et c'est pour ça que dans la langue arabe, on dit al-ahnaf ma'ilul qadam. Concernant al-ahnaf, ce serait un terme qui désignerait quelqu'un qui a les pieds arqués, le pied qui est tordu. Wa sumiya Ibrahim hanifan. Et donc, Ibrahim a été caractérisé, ou il en est décrit par le terme hanif, comme étant hanifan. لِأَنَّهُ مَائِلٌ عَنِ الشِّرْكِ بِاللَّهِ لَتَوْحِيدِ اللَّهِ. Du fait qu'il se détourne du polythéisme sous toutes ses formes et s'oriente complètement vers le tawhid, c'est-à-dire vers l'unicité d'Allah dans son adoration exclusive, c'est-à-dire le fait d'adorer Allah seul, sans lui donner un quelconque associé. Ensuite, Cheikh Ubayd al-Jabri mentionne وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِاتِّبَاعِ إِبْرَاهِيمَ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنْ كِتَابِهِ. Il a mentionné que Allah Azzawajal a ordonné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il suive la religion d'Ibrahim, qu'il suive Ibrahim. Et ceci est venu dans de nombreux passages du Coran. Minha, et parmi ces passages, il en mentionne un qui est le verset de Surat Al-Nahl, le verset 123. Il y en a en arabe, c'est Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa lam yakun min al-mushrikin. C'est-à-dire, et puis nous te fîmes révélation que tu suives la religion d'Ibrahim qui était un pur monothéiste et qui n'était pas du nombre des polythéistes. Ensuite, Cheikh Ubayd al-Jabri mentionne, rahimahullah, wa athna Allah subhanahu wa ta'ala ala khalilihi Ibrahim bi wasfi al-hanif fi mawadi'a kathiratin min kitabih, minha qawluhu ta'ala inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Le verset de Surat al-Nahl, le verset 120. Donc, dans ce passage-là, Cheikh Ubayd al-Jabri dit que Allah a fait les éloges d'Ibrahim, qui est son Khalil, son bien-aimé suprême. Il a fait ses éloges par le fait de le décrire comme étant Hanif. Et ceci dans de nombreux passages du Coran. Et donc, dans le verset de Surat al-Nahl, le verset 120, il est dit « Inna Ibrahim, certes Ibrahim était kana ummatan. » Il était ummatan. Et là, dans ce sens-là, c'était imaman, qudwatan. C'est-à-dire que c'était un imam, une qudwa, un modèle à suivre. Qanitan lillah, c'est-à-dire qanitan, c'est-à-dire constamment obéissant à Allah. Hanifan, en pur monothéiste. Non. Puis dans la page suivante, Cheikh Ubayd al-Jabri dit: "Wa fassara Cheikh al-Hanifiyyah allati hiya millatu Ibrahim wa umira an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi-ittiba'iha kama qadamna an ta'buda Allah wahdahu mukhlishan lahu ad-din." Donc puis l'auteur, c'est-à-dire Cheikh al-Islam Mohamed al-Tamimi, a expliqué lui-même quel était le sens du terme al-Hanifiyya, qui est la religion d'Abraham, la religion d'Ibrahim, et que c'est cette religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est vu donner l'ordre de la suivre. Et donc, comme mentionné précédemment, donc sa définition, c'est « an ta'bud Allah wahdahu mukhlisan al-din », c'est que tu adores Allah seul, sans lui donner un quelconque associé, lui vouant ainsi un culte pur, exclusif, que pour Allah. Il mentionne des preuves. Il dit « قَالَ اللَّهُ تَعَلَى وَمَا أُمِرُوا إِلَا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ. » Donc, surat al-Bayyina, le verset 5. Donc, la preuve qu'il mentionna, c'est le verset dont le sens en français est le suivant. Et il ne leur fut ordonné cependant que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, c'est-à-dire en pur monothéiste, et qu'ils établissent la prière et qu'ils donnent l'aumône obligatoire, zakat, et ceci est la religion de droiture. Tayyib. Cheikh Ubayd al-Jabri explique en disant فَقَدْ نَصَّ اللَّهُ سُعَجَلَّ وَعَلَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى أَنَّهُ أَمَرَ النَّاسَ فِي جَمِيعِ الشَّرَائِعِ الَّتِي جَاءَتْ بِهَا الرُّسُلُ أَنْ يَعْبُدُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَأَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ أَيْ الْمَأْمُورَ بِهِ من عبادة الله الخالصة الحنيفية وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هو الدين القيم أي الدين المستقيم الذي لا عوج فيه سبيل الله القويم وصراطه المستقيم. Donc Cheikh Ubayd al-Jabri a expliqué que donc Allah a mentionné dans ce verset le fait qu'il a ordonné à l'ensemble des gens dans l'ensemble des législations qu'il a envoyé, avec lesquelles il a envoyé les messagers. Il a légiféré pour chacun de ces peuples qui ont reçu ces législations le fait qu'ils se doivent d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif en étant des purs monothéistes, c'est-à-dire sans quelconque forme de polythéisme, quelconque forme que ce soit. et qu'ils établissent la prière et qu'ils donnent la zakat, et informer que ceci, c'est-à-dire ce qu'il leur a ordonné comme adoration purement vouée à Allah, exclusivement sans forme de shirk, quelle qu'en soit sa manifestation, et le fait d'établir la prière et de verser l'aumône obligatoire, que ceci était dinul qayyim, c'est-à-dire ay ad-din al-mustaqim, c'était la religion de droiture, la religion droite qui est dénuée de toute tortuosité, la religion droite, la voie d'Allah et le chemin d'Allah qui est droit. وقال الشيخ وبذلك امر وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها. Ça, c'est un point important. C'est quelque chose qu'Allah a ordonné aux gens, donc de suivre la Hanifia, et c'est quelque chose par rapport à quoi Allah nous a créé. C'est-à-dire qu'Allah nous a créé pour ça. Justement, Cheikh Ubayd al-Jabali dit Al-Isharatu fi qawlihi dhalika ila ma taqaddama min ta'rif al-Hanifia. Le fait qu'il dise bidhalika, c'est-à-dire et ceci, ça fait référence à ce qui a précédé comme définition de l'Hanifia. Fa'inna al-abd lam yukhlaq illa li'ibadati Allah azza wa jalla. Car le serviteur n'a été créé que pour l'adoration d'Allah, c'est-à-dire pour la concrétiser, adorer Allah Azza wa Jal. Bal jami' al-thaqalayn, al-jinn wal-ins, et les deux grandes communautés que sont les djinns et les ins, c'est-à-dire les êtres humains et les djinns, lam yukhlaqu illa li dhalik, n'ont été créés que dans ce but, c'est-à-dire le but d'adorer Allah. Wa istadalla al-shaykh biqawli Allah ta'ala wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa li'abudun. Et le shaykh a argumenté, a étayé son propos par le verset de Surat al-Dhariyat, le verset 56, dont le sens en français est « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Et concernant ce verset, Cheikh Ubayd al-Jabri va tirer des enseignements bénéfiques, ce qu'on appelle des fawa'id, les enseignements bénéfiques de ce verset. Il dit « Wa fi hadhihi al-aya min al-fawa'id wal-ahkam. » Donc il y a dans ce verset-là des enseignements bénéfiques et des jugements à tirer, dont on tire comme enseignement et comme bénéfice. أولا بيان الحكمة التي من أجلها خلق الله الثقلين وهي عبادته عز وجل. Donc la première chose qu'on apprend parmi les enseignements que l'on tire de ce verset, c'est que dans ce verset, il y a la clarification de la sagesse derrière la création des djinns et des êtres humains par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'ils accomplissent son adoration, qu'ils lui vouent un culte. Ensuite, il aborde un point important, et je vous invite à être concentré. Pourquoi ? Étant donné qu'on vient d'aborder le fait qu'on a été créé pour l'adoration, là, on va aborder qu'est-ce que c'est l'adoration. Donc là, on est en train de t'expliquer ce pourquoi tu existes. Non. Donc, وَمَعْنَا الْعِبَادَةِ فِي اللُّغَةِ مِنَ التَّعْبِيدِ وَهُوَ التَّذْلِيلِ وَالتَّسْخِيرِ وَالتَّسْخِيرِ مِنْ ذَلِكَ طَرِيقٌ مُعَبَّدٌ أي مُذَلَّلٌ لِلْمَشِيِّ. هذه الحقيقة اللغوية للعبادة ويشترك فيها جميع الخلق حتى إبليس عليه لعنة الله عبد لله بمعنى أنه مسخر ومقهور لو أراد الله أن يذيبه لأذابه ولكن يتركه إلى يوم الميقات مع المعلوم لحكمة. Donc le sens de l'adoration dans la loura, c'est-à-dire dans l'aspect linguistique, sachant que comme un des ulémas de la sunna du nom de Cheikh Al-Uthaymin avait expliqué que les mots dans la langue arabe, ils ont trois sens. C'est-à-dire un ma'na lughawi, c'est-à-dire un sens dans la linguistique, un ma'na istilahi, c'est-à-dire un sens en tant que terme technique, yani dans le jargon des ulémas, c'est-à-dire quand les ulémas utilisent ce mot, qu'est-ce que ça veut dire, et un sens urfi. Un sens urfi, c'est-à-dire le sens que lui donnent les gens dans l'usage commun. Et donc dans la loura, servilité, au rabaissement, à l'asservissement. Non. Et donc, on utilise l'expression yani, qu'un chemin il est mu'abbad, c'est-à-dire quand il a été yani, aplani par la marche, par le fait d'être piétiné par les marches successives dessus. Il dit ça, c'est le sens de la réalité linguistique du terme yani, al-ibad. C'est la réalité linguistique du terme al-ibad. Et en fait, le fait d'être soumis, d'être assujetti, d'être servile, face à Allah, d'être sous le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, en vérité, ça c'est quelque chose que toute la création est à cela en commun. C'est-à-dire que toute la création, même Iblis, qu'Allah le maudisse, yani, ils sont concernés par ce sens-là, cette connotation-là, d'être assujetti et d'être sous le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, bien qu'Iblis est un kafir, bien qu'Iblis soit mécréant, il est assujetti au pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est sous la domination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah voulait le faire disparaître, il le ferait disparaître. Azza wa Jal. Mais cependant, il le laisse exister, c'est-à-dire qu'il laisse, il le laisse exister, il le laisse vivre, jusqu'à un jour qui est connu de lui, subhanahu wa ta'ala. Et ceci de par une sagesse. Et ça, comme les ulama l'ont mentionné, il y a une sagesse dans le fait qu'Iblis continue à exister. Car le fait qu'il fasse du mal, ce n'est pas quelque chose qu'Allah aime et agrée en soi. Mais le fait qu'Iblis existe, il y a en cela une sagesse, à savoir que c'est un moyen par lequel se distinguera celui qui suivra Iblis ou celui qui suivra la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un point de vue de la législation islamique, wa shar'an, shar'an, donc dans un point de vue de la législation islamique, le terme al-ibada, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ismun jami'a li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'al adh-dhahira wal batina. Donc ces six points-là, je vous invite à les retenir. C'est-à-dire que l'adoration, c'est ismun jami'a. C'est-à-dire que c'est un nom qui englobe plusieurs choses. Et ça englobe, yani li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Donc là, il y a deux points. Tout ce qu'Allah aime et agrée. Min al-aqwal, parmi les paroles, wal af'al, et les actes. Al-Zahira wal-Batina, que ce soit des choses parmi les adorations qui sont apparentes ou cachées. Qu'est-ce qui est voulu? J'ouvre ici une parenthèse explicative concernant le terme yani caché. Quelles adorations sont cachées? Par exemple, les adorations du cœur. Le fait qu'on adore Allah avec son cœur également. Il y a des émotions qui sont de l'ordre de l'adoration, comme Al-Khawf. Al-Khawf, c'est une adoration qu'on voue à Allah. Ou Al-Mahabba, tout simplement. Al-Mahabba, le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Donc ça, ce sont des adorations qui sont des adorations de l'ordre du cachet. C'est-à-dire que les gens ne les voient pas. Et après, les adorations apparentes, comme le fait de lire le Coran, le fait de faire la prière, et ainsi de suite. Barakallahu fikum. Ensuite, Cheikh Ubayd al-Jabri va aborder ce que certains ulama qualifient comme étant arkan al-ibadati al-qalbiyya. C'est-à-dire les piliers de l'adoration au niveau de ce qui est au niveau du cœur. Il dit, justement, il aborde cela en disant وَعَلَمْ أَيُّهَا الْمُسْلِمُ أَنَّ لِلْعِبَادَةِ ثَلَاثَةُ مَقَامَاتِ يَجِبُ جَمْعُهَا حَتَّى تَكُونَ الْعِبَادَةُ صَحِيحَةً وَتِلْكَ الْمَقَامَاتِ هِيَ الْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ وَالْمَحَبَّةِ. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire que pour que ton adoration soit attentif, ya Abdallah, parce que tu as compris que tu as été créé pour l'adoration d'Allah. Ça, c'est un point bénéfique important. Deuxièmement, que l'adoration d'Allah, ça englobe tout ce que Allah aime et agrée parmi les actes et les paroles, apparents ou cachés. Taïb, maintenant, quand tu adores Allah, tu dois concrétiser trois aspects dans ton cœur qui doivent être impérativement concrétisés lors de ton adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est donc al-khawf, wal-raja, wal-mahabba. Al-khawf, le fait d'avoir peur d'Allah, le fait d'aimer Allah, et le fait d'avoir espoir en Allah. C'est-à-dire, j'ouvre ici une parenthèse explicative. C'est-à-dire que dans ton adoration, tu as ces trois émotions-là qui sont dans ton cœur, qui t'animent. Et ça, c'est ce qui va te pousser à adorer Allah. Le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, ça va te pousser à l'adorer. Et le fait d'avoir peur de lui, d'avoir peur de son châtiment, et d'espérer sa miséricorde. Et ça, ça va se manifester dans notamment la peur et l'espoir. Les ulama ont expliqué que ça c'est lié aux musulmans et aux croyants dans sa vie. Dans le sens où, par exemple, quand tu vas faire une bonne œuvre, également par rapport à cette œuvre-là, tu vas espérer qu'Allah l'accepte de toi. Parce que peut-être tu vas adorer Allah toute ta vie, mais peut-être que tes œuvres ne sont pas acceptées par Allah. Tu n'en sais rien. Donc c'est une affaire sérieuse. Donc, la personne, elle va redouter qu'Allah rejette ses œuvres. Mais elle va espérer qu'Allah accepte ses œuvres. Ça, c'est concernant ses bonnes œuvres. Et quand il fait des péchés, il va espérer qu'Allah va lui pardonner. Mais il va redouter qu'Allah le châtie. Donc ces émotions, c'est des émotions très importantes en islam. Mais là, concernant ces trois aspects-là, l'amour, la peur et l'espoir, Cheikh Ubayd al-Jabri dit « فَالْخَوْفْ يَرْدَعُ عَنْ مَغَادِ بِاللَّهِ » Ça va, le fait d'avoir peur, ça va le dissuader d'accomplir ce qui courrouce Allah, ce qui provoque la colère d'Allah. والرجاء يطمع في رحمته. Ça le pousse à ça va faire qu'il va convoiter sa miséricorde, c'est-à-dire qu'il va espérer sa miséricorde, bénéficier de sa miséricorde Azza wa Jal. Ensuite al-mahabba, il dit تجعل الصدور منشرحة لأوامر الله ونواهيه لأوامر الله بالفعل وَلِنَوَاهِي بِالتَّرْكِ. Et le fait d'aimer Allah, c'est ce qui fait que la poitrine est, yani, est apaisée vis-à-vis des ordres et des interdits d'Allah. Elle, yani, le cœur est soumis, il est apaisé vis-à-vis des ordres et des interdits d'Allah. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'il va se soumettre à Allah par le fait de se conformer aux ordres qu'Allah a émis et qu'il va s'écarter de ce qu'Allah azzawajal a interdit. Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Maintenant, ensuite, il dit العباده مع هذه الاركان لها شرطان هما. Donc là on a vu arkan al-ibada. On a vu arkan al-ibada, les piliers de l'adoration, on les a vus. On vient de les voir, les trois piliers de l'adoration au niveau de ce qui se passe dans le cœur. Ces trois émotions, elles doivent être constamment présentes lorsque tu adores Allah. Et Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim dans Madarij al-Salikin avait donné une image pour imager le fait que ces trois émotions sont constamment avec le serviteur, à l'image d'un oiseau dont la tête est l'amour et dont les ailes sont la peur et l'espoir. Non. C'est-à-dire que c'est indissociable. Après, dans ta vie, les ulémas ont fait un tafsir. Ils ont expliqué que durant la vie du serviteur, quand il est en bonne santé, que tout va bien, entre guillemets, donc il a une capacité à faire du péché, il faut que l'émotion qu'est la peur domine un petit peu plus au-dessus de l'espoir. Et vers la fin de sa vie, lorsque par exemple il est dans la maladie, lorsqu'il est près de la mort et que son âme va peut-être bientôt partir de son corps, que l'espoir domine un peu plus la peur. Pourquoi? Parce que ces deux émotions, si elles bouleversent l'être humain, c'est-à-dire si elles sont de façon éprouvées de façon exacerbée, c'est-à-dire de manière exagérée, ça peut te pousser à tomber dans des péchés. C'est-à-dire, celui qui exagère dans l'espoir vis-à-vis d'Allah, ça peut le pousser à tomber dans beaucoup de péchés. Parce qu'il va exagérer dans le fait de penser qu'Allah va le pardonner. Il va espérer qu'Allah lui pardonne, mais il ne va pas faire la tawba, il ne va pas se repentir, il ne va pas essayer de délaisser les péchés. Et ça va le pousser à quoi? À tomber dans une kabira min kabira dhunub, qui est ce qu'on appelle al-amnu min makrillah, le fait de se penser à l'abri d'Allah. Et certains ulémas ont expliqué que parmi les manifestations du fait d'être sujet, l'objet du makr d'Allah, du stratagème d'Allah, c'est le fait que la personne pêche et ne se repent pas et il espère vainement être pardonné. Ça, c'est peut-être une manifestation que la personne est sujet au stratagème d'Allah. Et l'autre émotion qui est antagoniste, c'est-à-dire qui est l'opposé, la peur, si tu exagères trop dans la peur, ton émotion qui est la peur te bouleverse et tu l'éprouves de manière exacerbée, c'est-à-dire de manière exagérée, au point que ça te fasse tomber dans le péché, qui est Al-qunut min rahmatillah, le fait de désespérer de la miséricorde d'Allah. Certaines personnes, tu leur parles et te dis j'ai fait trop de péchés, Allah ne me pardonnera jamais. Là, ça c'est également un égarement. Donc le musulman se doit d'étudier comment aimer Allah. Non. Comment étudier Allah, comment aimer Allah et comment obtenir l'amour d'Allah. C'est-à-dire comment tu vas faire pour concrétiser dans ton cœur l'amour sincère envers Allah. Et ensuite, comment obtenir toi le fait qu'Allah t'aime. Comment faire en sorte qu'Allah t'aime. Car si Allah t'aime, tu as tout gagné. Qu'Allah nous accorde d'être l'objet de son amour. Tayyib. Je reviens dans les propos de Cheikh Ubayd. Donc il dit وَالْعِبَادَةُ مَعَ هَذِي الْأَرْكَانِ لَهَا شَرْطَانَ هُمَا. Donc là, on a vu les trois piliers de l'adoration. Maintenant, on va voir les deux conditions. C'est-à-dire que ces deux conditions sont impératives à respecter. Si tu ne respectes pas ces deux conditions, ton adoration, celle pour laquelle tu as été créé, celle pour quoi tu existes, celle par rapport à laquelle, bi'idhnillah, tu obtiens la miséricorde de ton Seigneur, par laquelle tu rentres au paradis, si tu ne respectes pas ces deux conditions qu'on va aborder dans quelques secondes, ton adoration est caduque. Elle n'a aucune valeur auprès d'Allah. Cheikh Ubayd al-Jabri dit, ces deux-là sont تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم هذان شرطان لا ينفك أحدهما عن الآخر. C'est-à-dire donc le fait de concrétiser l'exclusivité du culte, yani par le fait de voir un culte exclusif à Allah seul, à l'ikhlas. C'est-à-dire le fait d'adorer sincèrement Allah de façon exclusive, n'adorer que lui et ne jamais adorer autre que lui. Et c'est là que j'attire votre attention sur un point. C'est pour ça qu'il faut savoir reconnaître les adorations. Parce que celui qui ne sait pas ce qu'est une adoration et qui ne reconnaît pas les formes d'adoration qu'on fait avec le cœur, les formes d'adoration qu'on fait avec la langue, les formes d'adoration qu'on fait avec le corps, peut-être qu'il voue des adorations à autre qu'Allah et il ne s'en rend même pas compte. Parce qu'il ne sait pas que ça c'est une adoration. Donc le sujet de l'adoration doit être étudié en détail, avec sérieux conscient, en étant consciencieux, parce que c'est une affaire sérieuse. Tu n'existes que pour ça. Non. Taïb, donc, le fait de concrétiser la sincérité envers Allah, ça c'est le premier. Le deuxième, wa tajrid al-mutaba'ati li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de concrétiser le suivi de son messager alayhi salatu wa sallam. C'est-à-dire le fait d'adorer Allah comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. On a beaucoup de nusus sur ça, qui nous disent d'adorer Allah comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, et ils nous interdisent de faire de ce qu'on appelle des innovations. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, avait dit khudhu anni manasikakum. Prenez de moi vos rites. Et ça, c'était dans le contexte du hajj. Concernant la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Ça, c'est concernant l'ordre du fait d'adorer Allah comme lui. Mais concernant l'interdiction des innovations, il y a des hadiths. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa iyyakum wa muhdathatil umur. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi dar. C'est-à-dire, prenez garde aux choses nouvellement inventées et introduites dans la religion. Car toute chose nouvellement inventée et introduite dans la religion est une innovation. Et toute innovation est égarement, et tout égarement mène au feu. Ou dans le hadith, où Aïcha radiallahu anha l'avait dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, « Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu. » Quiconque introduit dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, la verra rejeté. Et dans une version dans le Sahih de l'Imam Muslim, « Man amina amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. » Quiconque œuvre d'une œuvre sur laquelle il n'y a pas notre ordre, la verra rejetée. Taï. Donc, je reviens au propos de Cheikh Ubaid. Donc, il explique qu'il faut concrétiser la sincérité envers Allah, en lui vouant un culte exclusif, et le fait d'adorer Allah conformément à la pratique du prophète, alayhi salatu wasalam. Et il dit, « Hadani shartan » ces deux conditions, « La yanfakku ahaduhuma anil akhar » ces deux conditions sont indissociables. Non. « Al-fa'idatu thaniya » concernant le verset, parce qu'en fait tout ça, ce qu'on aborde, c'est des fawaïd que Cheikh Ubaid al-Jabri aborde concernant le verset وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Le deuxième enseignement bénéfique qu'il nous apporte, الْإِمَانُ بِوُجُودِ الْجِنِّ, la foi quant à l'existence des djinns. Il dit وَأَنَّهُمْ مُكَلَّفُونَ مِثْلَ الْإِنْسِ, et qu'ils sont مُكَلَّفُونَ comme les êtres humains. Al-mukallaf, qu'est-ce que c'est? Dans le jargon des ulema, al-mukallafun, c'est le pluriel du mot mukallaf. Al-mukallaf, c'est al-aqil al-baligh. C'est-à-dire l'être humain ou le djinn qui est aqil, qui est doué de raison, baligh, ayant atteint la puberté, il rend des comptes. Il devra rendre des comptes concernant ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. C'est-à-dire qu'il a des obligations à respecter et des interdits auxquels il doit se conformer par le fait de s'en écarter. C'est-à-dire qu'il est concerné par les lois d'Allah. Il est sujet aux lois d'Allah Azzawajal. Il se doit d'accomplir les obligations et de délaisser les interdits. Tandis qu'avant, par exemple, quand on est enfant, l'enfant, quand il n'a pas le aql encore, cet enfant-là, lui, il n'est pas pécheur s'il venait à déroger à un interdit d'Allah, parce qu'il n'a pas encore la conscience de ce genre de choses. Donc le mukallaf, celui qui rend des comptes vis-à-vis des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est al-aqil al-baligh, la personne qui est douée de raison et qui est baligh, qui a atteint la puberté. Taïb. Donc, Cheikh Ubaid al-Jabri dit donc que les djinns, annahum mukallafuna mithla al-ins, ils sont, yani, responsables de leurs actes comme les êtres humains. Ils sont donc redevables des obligations et de délaisser les interdits. Falimuti'ihim al-thawab. Donc, parmi les djinns, celui qui sera obéissant à Allah obtiendra la rétribution, yani la récompense. Wa yastahiqu 'asihim al-iqab. Et le désobéissant parmi eux, alors se mériteront alors le châtiment. Qu'Allah me préserve d'être l'objet de son châtiment, ainsi que vous. Al-fa'idatu thalitha, le troisième enseignement bénéfique que Cheikh Ubaid al-Jabri tire de ce verset, bulugh risalati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lil-jinn wal-ins. Le fait que le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam est parvenu aux deux communautés que sont la communauté des êtres humains et celle des djinns. Wa qad dalla ad-dalil as-sarih min al-Qur'an wa as-sunnah as-sahiha ala dhalik. Et il est venu dans des textes du Coran, des textes explicites à ce sujet, et dans la sunna authentique également, il est venu des hadiths mentionnant cela. Famine al-Qur'an, suratu al-jinn. Donc parmi les preuves du Coran, ce qui est rapporté dans suratu al-jinn. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّ سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ. C'est-à-dire que c'est le verset numéro 1 et le verset numéro 2 de Surat al-Jin. Donc, dit, il m'a certes été fait révélation qu'a entendu un groupe de djinns, il y en a ma récitation. Et ils ont dit, nous avons entendu une récitation étonnante qui guide, il y en a, c'est-à-dire ce Coran, guide vers la, ce qu'il y a de plus droit. Et nous y avons cru. Et nous n'associerons rien à notre Seigneur. Nous ne donnerons pas d'associé à notre Seigneur. Donc ça, c'est un groupe de djinns qui sont, auxquels il est fait référence dans le Coran, qui ont entendu la récitation du Coran par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont cru. Et ils sont revenus en tant que croyants au sein de leur peuple. Ça, c'est donc une preuve du Coran. Comme quoi, le message de l'islam, transmis par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est parvenu aux djinns. Maintenant dans la sunna, il dit « Wa fil hadith al-sahih, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam istama'a bi wafd al-jinn, fa qara'a alayhim al-Qur'an, wa da'ahum ila al-Islam, fa risalah balagathum kama balagat al-ins. » Donc c'est-à-dire que dans un hadith sahih, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réuni avec un groupe, un contingent, ou un groupe de djinns. Et il leur a lu le Coran. Donc il les a appelés à l'islam. Donc ça prouve que le message de l'islam est parvenu aux êtres humains, mais également aux djinns. Tout comme il est parvenu aux êtres humains. Al-Rabi'a, le quatrième enseignement. Al-Raddu ala man yakul bin al-Aqlaniyin wal-Falasafiyin atba'u al-Madrasati al-Falsafiyati al-Aqliyati al-Mu'asira inna al-Jinna mikrobat wa jarathim. Quatrième enseignement bénéfique que Cheikh Ubayd al-Jabr a tiré concernant ce sujet, le fait qu'il y a dans ce verset une réfutation à ceux qui sont parmi les gens qui sont des rationalistes, parmi les philosophes qui suivent l'école de philosophie rationnelle moderne, qui prétendent que les djinns, en fait, ce terme-là désignerait les microbes et les germes. Et ceci est démenti par la législation, par la perception sensorielle et par l'intellect. C'est-à-dire la législation, les textes prouvent que les djinns ne sont pas ce qu'on appelle les microbes et les germes. Ce sont des créatures, il y en a qui sont perceptibles par les sens également. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vu des djinns. Il y a déjà des gens qui ont vu des djinns sous leur forme, il y en a lorsqu'ils se manifestent à l'être humain. Non. Et également, la raison dément cette prétention comme quoi les djinns seraient des microbes et des germes. Taïb. Donc il dit « Fashara, ma taqaddama min al-ayat » donc parmi les preuves de la législation, ce qui a été mentionné précédemment parmi les versets du Coran. « Wa ma dat al-isharatu ilayhi min al-hadith » et ce qui a été mentionné précédemment comme référence au hadith. « Wa al-aql » et concernant le fait que l'intellect, la raison, dément cette prétention, comme quoi les djinns ce seraient des microbes et des germes. Il dit « Wa al-aql » « La ya'arafu anna risalata balagat al-mikrobati wal-hasharat » فمن رسول الحشرات ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع الشرائع إلا للعقلاء من خلقه. Et ce qui dément cette prétention concernant les djinns comme quoi ce serait des microbes et des germes, la raison saine qu'il dit du fait qu'il n'est pas connu que le message de l'islam soit parvenu aux microbes ou aux insectes, car il dit qui serait le messager des insectes alors. Il dit, il est connu que Allah n'a pas légiféré de législation, si ce n'est à des créatures qui sont douées de raison parmi les créatures d'Allah. Amma al-his. Et quant au fait que la perception sensorielle dément même cela, il dit, فَقَدْ تَوَاتَرَ فِي أَخْبَارِ النَّاسِ بِالنَّقْلَ الْعُدُولِ رُؤْيَةَ الْجِنِ. C'est-à-dire qu'il a été rapporté par de nombreuses personnes, par rapport à beaucoup de gens, et ça a été rapporté par beaucoup de gens qui sont dignes de confiance, qui sont intègres, comme quoi des gens ont vu des djinns. فَمِنْ ذَلِكُمْ أَيْضًا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَآهُمْ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحَ الَّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِي فِي كِتَابِ الْوِكَالَةِ حَدِيثٌ طَوِيلٌ وَفِيهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَمْسَكَ بِهِ لَمَّا جَاءَ يَحْثُو مِنَ الصَّدَقَةِ ثلاثة أيام وأبو هريرة يهدده برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلل وأنه ذو عيال وصاحب حاجة في المرأة الأخيرة لما رأى عدو الله ما رأى من الجد قال يا أبا هريرة دعني وأعلمك آية إذا قرأتها لا يقربك شيطان قال ما هي قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم إذا أويت إلى فراشك فاقرأها فلن يقربك شيطان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب أتعلم من تخاطب يا أبا هريرة منذ ثلاث قال لا قال ذلك الشيطان طيب وإلى اليوم تبلغنا أخبار العدول في مشاهدات الجن. Donc dans ce long passage que je vais essayer de traduire de façon résumée, donc il est rapporté que donc concernant la prétention de ceux qui mettent en avant leur raison déficiente et déviante au devant des textes, qui prétendent comme quoi les djinns ce seraient yani des microbes ou des germes ou d'autres interprétations fallacieuses qui sont yani erronées, yani ce qui réfute ça, les textes, on l'a vu, la logique, yani la raison saine, on l'a vu, mais également la perception sensorielle. Comme je l'ai dit, Cheikh Obeid Ajebari, il a dit que ça a été rapporté par rapport à de nombreuses personnes, par des gens qui sont fiables et qui sont intègres, le fait que des gens ont vu les djinns. Et parmi ce qui établit cela également, le hadith rapporté par Abu Huraira, qui a été rapporté, et le hadith est sahih, il est rapporté par l'imam al-Bukhari, et c'est un long hadith, dans lequel il a été rapporté qu'Abu Huraira, il a surpris quelqu'un en train d'attraper, yani de voler dans la sadaqa. Et les ulémas avaient expliqué dans d'autres explications que c'était zakat al-fitr, c'était de la nourriture de zakat al-fitr. Et donc il a attrapé quelqu'un en train de voler. Et il lui a dit qu'il allait le ramener au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il allait le ramener au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam établisse son jugement le concernant. Et donc, trois reprises d'affilée, à chaque fois qu'il l'attrapait, le chapardeur, yani celui qui volait, que Abu Huraira avait attrapé, à chaque fois il se justifiait. Il essayait de se dérober. C'est-à-dire dans le sens, il essayait de lui dire des propos pour que Abu Huraira le laisse partir. Il lui disait qu'il ne reviendra pas, il disait qu'il avait une famille, qu'il était dans le besoin, yani qu'il était pauvre, etc. Pour attendrir le cœur d'Abu Huraira pour qu'Abu Huraira le relâche. Il a fait ça une fois, Abu Huraira l'a relâché. Il est revenu une deuxième fois, la deuxième fois, il l'a attrapé, il a voulu l'amener au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le même discours, Abu Huraira a eu pitié de lui, il l'a relâché. La troisième fois, lorsqu'il a vu que cette fois-ci Abu Huraira lui avait dit « Cette fois-ci je t'emmène au messager d'Allah », sallallahu alayhi wa sallam, cette personne-là lui a dit « Yani si tu me relâches, je t'enseignerai un verset qui, si tu le récites, aucun démon ne t'approchera ». Il a dit « Quel est ce verset ?» Il lui a récité le début de ce qu'on appelle l'ayat al-Kursi, c'est le verset 255 de Surat al-Baqarah, de la deuxième sourate du Coran. Allah, qui commence par « Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum ». Allah, nulle divinité n'est digne d'être adoré si ce n'est lui, il est le vivant, le subsistant par lui-même. Et c'est le verset numéro 255 de Surat al-Baqarah. Et donc justement, il lui a dit, c'est-à-dire cette personne-là, si tu t'apprêtes à te mettre dans ta couche, et lorsque tu te mets dans ta couche, si tu lis ce verset-là, aucun démon ne t'approchera, c'est-à-dire durant la nuit. Et donc justement, Abu Huraira a rapporté ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. A rapporté cette information au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, sadaqaka wa huwa kadhub. C'est-à-dire, il a été véridique envers toi, yani concernant cette information-là, bien que c'est un grand menteur. C'est quelqu'un qui ment tout le temps. C'est un grand menteur. Mais dans ce qu'il t'a dit là, concernant ce verset, il a été véridique. Il a dit vrai. Après, justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il lui a posé la question. Il a dit, est-ce que tu sais à qui tu parlais, Abu Huraira, pendant ces trois jours d'affilée? Celui à qui tu parlais, est-ce que tu sais à qui tu parlais? Abu Huraira a dit non. Il a dit, c'était Shaitan. C'était Shaitan. Et justement, et donc, Cheikh Obeid Ajebari, après la mention de ce hadith, qui est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, il dit, jusqu'à ce jour, il nous parvient des informations transmises par des gens fiables, il y en a crédibles, comme quoi des gens ont vu des djinns. Et bien entendu, il y en a les djinns, lorsqu'ils les voient, ils ne les voient pas sous leur forme originelle. Ils les voient sous une forme manifestée, c'est-à-dire une forme qu'ils prennent lorsqu'ils apparaissent à des êtres humains. Taïb. Je vois qu'il est 22h17, Inch'Allah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Barakallahu fikum. Et Inch'Allah, on abordera la suite des explications de Cheikh Ben Al-Jaberi, Inch'Allah, dans l'assise de la semaine prochaine. On a rendez-vous mercredi, bi'idhnillah, pour l'assise autour du fiqh. Barakallahu fikum. Hadha wa subhanakallahumma wa bihamdik. Ash'hadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.